reprenne à trouver qu'une fille est belle et sombrer encore comme ça. J'aimerais tant qu'elle me laisse l'image qui revient sans cesse et qui me déchire parfois. Se méfier des vendeuses de charme, prêtes à tout pour t'arracher des larmes et les déguster à ta santé. Par ignorance et sans méfiance, tu tentes d'entrer dans la danse, mais tes jambes se brisent sous l'effet. L'empêcher de connaître les peines qui brisent nos espoirs. Oublier ces bouts de chaîne qui attachent et étouffent nos rêves et abîment nos émois. Devenir demandeur de charme, à disparaître auprès d'une étoile et la déguster. Plus d'ignorance ni de méfiance, tu prends ce à quoi tu penses et t'en détaches vite, juste après.